Huitième leçon. Une visite. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que votre père est à la maison? Non, monsieur. Il est au bureau. Vous voulez parler à ma mère? Non. Ne la dérangez pas. À quelle heure est-ce qu'il rentre normalement? Oh, pas avant 8 heures. Vous voulez l'adresse de son bureau? Oui, s'il vous plaît. Attendez, je la cherche. Voilà, 7 rue Marbeuf, dans le 8e. Merci beaucoup, mademoiselle. Au revoir. De rien, monsieur. Au revoir. Exercice. Est-ce que votre mère est à la maison? Ne la dérangez pas, s'il vous plaît. Voilà l'adresse. Il habite dans le 6e. Merci beaucoup, monsieur. De rien, mademoiselle. À quelle heure est-ce qu'il rentre? Pas avant 8 heures.